On va parler de boxe, puisque demain, Arthur Beterbiev remonte dans le ring. C'est un des combats, ça fait longtemps qu'il n'a pas boxé à Montréal. Quoi qu'il en soit, on en parle avec notre collaborateur Bernard Barry. Salut Bernard. Salut Danny. Bernard, ça a passé proche qu'il ne fasse pas le poids? Ouais, ben tu sais, c'est à 0.2, là, 175.2. Fait qu'il n'y a pas personne qui a capoté avec ça, compte tenu que dans les règlements du IBF, et WBC, il avait le droit à 2 heures. Parce que quand on fait 175.2, c'est malheureux parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'il fasse le poids, puis on roule. Tandis que là, il est revenu 3/4 d'heure après, puis finalement, il le fait. Mais je veux dire, il n'y a personne qui était nerveux pour ça, mais ça c'est un peu plat. OK. Donc, il affronte Marcus Brown, qui est un boxeur connu puisqu'il avait affronté. Jean-Pascal il y a 2 ans. À la surprise générale, Pascal l'avait. Je pense que ça avait été un match nul, c'est ça, hein? Vous l'avez battu. Non, vous l'avez battu. Pascal l'avait battu. Avait battu, ouais. Il avait eu coupure au 8e round. Et Pascal l'avait battu par décision unanime des juges. Et les 3 juges arrivaient 75-74 par un point, malgré les 3 chutes au tapis de Marcus Brown. Donc, ça donne une idée un peu du calibre du boxeur. Écoute, c'est un Olympien, le gars. Il a battu des boxeurs aussi chez professionnels comme Babu Jack, Sean Monahan. Monahan avait une fiche de 28-0. Donc, on sait, là, pour représenter les États-Unis aux Jeux olympiques, on s'entend que c'est vraiment du très, très fort calibre. C'est un boxeur qui est instinctif, brillant, bouge bien, gaucher. Il est grand. Donc, une longue allonge aussi. Donc, il va causer des problèmes sans aucun doute à Beterbiev. Là, on peut se dire, si Pascal l'a envoyé 3 fois au tapis, Beterbiev, on s'entend que s'il pince, il va retourner là. Mais encore faut-il qu'il soit capable de le pincer. Puis là, Brown a fait en sorte de changer d'entraîneur. Il est allé chercher Derrick James, un entraîneur très réputé qui a déjà remporté le titre de l'année comme entraîneur, qui est l'entraîneur du super boxeur Errol Spence Jr., champion du monde. Oui. Donc, lui, selon lui, il est allé chercher l'expertise qu'il avait besoin pour avoir la coche qui ferait en sorte d'aller chercher les titres unifiés à Arthur Beterbiev. OK. Normalement, à quoi Beterbiev a une force de frappe beaucoup plus imposante pour l'emporter, là? Oui, c'est un bon mariage de style, comme je l'ai dit. On parle de Brown, on parle d'un boxeur gaucher qui profite du fait qu'il est gaucher, de ses déplacements, cherche pas le trou, travaille à portée, à longue distance, alors que Beterbiev, lui, il cherche le trou. Lui, il cherche à emmener son adversaire dans les câbles, dans les coins, si possible, et le marteler de coups de poing. Donc, c'est certain, ça va être beau à voir aller au point de vue stratégie pour voir lequel des deux va être capable de s'imposer. OK. Marie Avdikar qui remonte dans le ring également, elle aussi c'est un combat de championnat du monde contre Cynthia Lozano. Est-ce que Marie a des chances réelles? Ah oui, sans aucun doute. Marie Avdikar est grande favorite dans ce combat-là. On sait que Lozano a une bonne claque, 9 victoires en 9 combats, 7 victoires par knockout. C'est assez rare chez les femmes. D'ailleurs, c'est elle qui avait passé sa carrière de Zapata knockout avant Marie-Pierre Houle, puis on sait ce qui est arrivé par la suite avec le décès de Zapata. Oh, ouais. Donc, Lozano est une fille qui a beaucoup, très confiance en elle. Son surnom, c'est Canelita. Okay. Beauté. Quand ton surnom est beauté, tu as confiance en toi. Donc, c'est certain que ça peut un peu causer un certain danger. Mais d'un autre côté, là, on va se dire les vraies affaires, là, Danny. Marie-Ève Ducaire, là, elle s'est pas fait passer dans le cadre, elle s'est pas fait branler, puis elle s'est pas en fait envoyer au tapis par Clarisse Sachir, qui est la meilleure livre pour livre au monde, double médaillée d'or olympique, championne unifiée des 4 titres. Donc, si Sachir n'a pas réussi à les branler, ça serait surprenant que Lozano soit capable de faire ça. Et à partir de là, Ducaire est une meilleure boxeuse que Lozano. D'ailleurs, c'est 144 ans en carrière que Ducaire a là dans le moteur, alors que Lozano en a seulement 26. Donc, c'est d'après moi, Ducaire va jouer comme un chat avec une souris et va réussir à gagner les rounds, round après round. Ça ne devrait pas être une marge dans le pack parce que Lozano va choquer puis va essayer des coups puissants. mais il demeure quand même que Duscaire est largement favori dans ce combat-là pour reprendre son titre qui est devenu vacant suite à l'abandon de Clarissa Shields, qui a tellement de titres à défendre, c'est plus que, en manque de temps. Là. OK. Justement, si on parlait de je viens de prendre justement ton associé Yvon Michel au 91.9, il disait que ce qui est fun avec Marie-Ève, c'est que tu peux l'opposer avec... elle peut descendre de poids. Il y a plusieurs possibilités de combat par la suite pour Marie-Ève. Oui, absolument. Écoute, à 753 livres, on sait la division de poids, c'est 754. Mais Marie-Ève a toujours dit, si vous avez besoin de moi à 147, là, je vais y aller. Je suis capable de le faire chez les mi-moyens. Donc, c'est plusieurs cartes dans le jeu de Yvon Michel. Et on sait, chez les femmes, on a besoin d'en avoir plusieurs cartes parce que, dans le fond, c'est un peu moins, beaucoup moins compétitif que chez les hommes. Donc, on a bien hâte d'avoir ce combat-là, mais je suis convaincu que Maria Duscaire va s'arranger. Elle a une bonne défensive. Elle va s'arranger. Elle va pas chercher le trouble. Elle va pas échanger coup pour coup. Et ça devrait bien aller. Elle devrait reprendre sa ceinture. OK. Donc, dans les autres combats, Batim Jimaev, que je viens de voir, qui va. Lui, c'est un boxeur que j'aime beaucoup, un boxeur agressif. Lui, il va se battre également contre Juan José Martinez. Oui, c'est ça. Jukan Bayev, ça l'a bien pour lui, 18 victoires en 18 combats. La pandémie est arrivée. Il allait faire un combat à l'extérieur. Il a quitté Montréal. Il a perdu par abandon 8e round contre un boxeur. Il a passé en Californie, un boxeur qui avait une fiche de 16 victoires et une défaite, Subriel Mathias. C'était son premier combat à l'extérieur du Québec et c'était une défaite. Donc, c'est sûr que là, il est retourné dans l'entourage de Stéphane Larouche, qui était son entraîneur. Et on a bien hâte de voir. Il va affronter un Mexicain qui a une belle fiche de 28 victoires, dont 20 par knockout, donc un dangereux, 10 défaites. Et c'est un boxeur qui s'est battu contre deux boxeurs du Québec, Tony Lewis et Biarsanoff, Arthur Biarsanoff. Donc, il y a eu les deux défaites, mais il y a eu de la difficulté à faire le poids. Sincèrement, je vais te dire tout de suite, j'étais près de la balance et j'ai vu le bonhomme. Et le bonhomme a juste 35 ans, mais il semble avoir de l'usure dans le corps. Et il était, on a été obligé de rétablir son contrat parce qu'il n'était pas capable de faire le poids. Finalement, il n'a pas été capable de faire le poids avec le contrat rétabli. Ça te donne une idée, là. Ouais. 758 livres. Et Jukan Bayev a fait 150,4 livres. Et moi, ce que je peux te dire, là, 8 livres de plus de Martinez qui pourrait être un avantage, mais ça va être un désavantage parce qu'il est placé autour de sa taille. OK. Bernard, donc, la vente de billets, je pense que ça se passe bien. J'ai pu voir, j'ai pu comprendre, mais même tous si avec Tous les tables ont été vendues. Tous les billets chers, les billets dispendieux ont été vendus. Là, maintenant, jour après jour, c'est de savoir là, combien de gens vont se déplacer pour aller voir le gars-là, surtout compte tenu des circonstances. Ah, on est tous un peu nerveux. Là. Tous les boxeurs ont passé les tests COVID cet après-midi. Et on attend les résultats ce soir, cette nuit ou demain matin, en espérant qu'on n'aura pas les mêmes malheurs que beaucoup de populations actuellement. Là. Donc, on se croise les doigts, sincèrement, on va être bien une fois que ce gars-là là, va être terminé, parce qu'il nous a causé beaucoup de problèmes. Okay. Bernard, merci beaucoup. On s'en parle dans le temps des fêtes, la revue de l'année, puis on va faire une biographie de toi également. Bon, ça fait plaisir. Bonne fin d'émission, l'ami. À la prochaine. Bye-bye. Qui nous parlait de bon.